bloc, la nuit s'installe. Chaque pas résonne comme une balle. Les murs transpirent des cicatrices. Chaque cri perdu devient supplice. Je suis ras de ce qu'il l'ombre vivante. Chaque mot pèse, chaque note chante. L'harmonica pleure au fond du vent, comme une mémoire qui saigne lentement. Je prends vos doutes, vos douleurs, je les transforme en ma ferveur. Chaque vue est fixe ma voix, chaque vibration vous appartient déjà. Je suis le feu qui ne s'éteint pas, le rythme gravé au fond de toi. Je suis le froid qui vous enchaîne, la braise qui brûle dans vos veines. I am the shadow in your sleep, the rhythm you can't disguise. Half thunder, half lullaby, the fire behind your eyes. Born of silence, carved in flame, written in scars. True, I am writer skill eternal, and I sing because of you. Chaque sourire cache une lame, chaque lumière nourrit la flamme. Je marche encore sous vos regards, chaque pas brûle comme un étendard. Je prends vos cris, vos couleurs, je les dévore en mes ardeurs. L'harmonica crie comme une prière, un souffle perdu dans la poussière. Chaque horizon devient ma place. Chaque view et ressent ma vibration. Chaque souffle devient prison. Je suis la voix, je suis la loi. Le feu qui vit au fond de toi. L'harmonica gémit, sauvage, ardent, comme une braise au cœur du temps. Les blocs s'écroulent, la nuit s'efface. Chaque lumière brise l'espace. Je suis le cri qui traverse le temps. Je suis le chant de vos instants. Je marche encore, chaque vibration traverse vos corps. Je suis ride of skill, je suis la flamme, le son qui jamais ne s'éteint dans l'âme. Dans vos veines, je laisse ma voix. Je suis l'onde qui vit en toi. Et même quand le jour viendra, mon chant éternel. Ride a skill. Ride a skill. Ride a skill.